tout, il n'y a pas de repos car c'est la rue. Autour les esprits à la bourre de ses cerfs de retour, mais c'est la rue. Elle aime les plus répons et les crédules. Elle arrive à l'envie des cons et des crapules. Elle éclabousse, calomnie, souille et diffame. Zigzag, tang et des piggy rap. Elle crie son corps elle s'immisce, la mène depuis la trice. C'est la rue. Elle crie sur le toit en coulisses, il ratisse sa valise. C'est la rue. 3, 2, 1, c'est parti. Premier pas, première griffe, et c'est déjà le tout. Une direction déjà prise, elle a tracé sa route. Ça commence à distance, en dormant, c'est à danse. Puis c'est lance en partant, sans immense ouverance. Elle balance sa potence, en cadence, en constance, en latence, joue ses stances dans la danse. La pétence est intense, sa puissance évidente, c'est immense. Elle engence une audience, en semence une conscience. Ni silence, ni sens dans son efflorescence. Elle dispense l'offense en tout sens, sans nuance, ni carence, ni prudence. Se dépense à outrance, avec récurrence, rémanence, redondance, abondance, ingérence, fulgurance, avec un essence, irrévérence, avec insolence, outrecuidance, jusqu'à échéance. Elle se tente, oui, elle échéance, elle se tente, pas de chance. Elle pousse des personnes en tout, il n'y a pas de repos, car c'est la rue. Autour des esprits à la bourre de ses cerfs de retour, c'est la rue. Elle est bleue, elle est bon, elle est crédule. Elle a vie à l'envie des cons, elle est crapule. Elle est clabousse, calomnie, souillée, diffame, zigzag. Non, j'y crois pas. On veut noyer, c'est quoi tout ça? On fait dire n'importe quoi. On fait faire je ne sais quoi. Tu te diolino, tu te glaces, tu nous vitriolino. Tu trépasses, tu nous. Tu es l'évite, tu nous. Elle est mauvaise, tu nous. Elle s'appelle on s'habille en noir. On n'a pas de nom, on n'a pas d'histoire. Elle racole, tu nous, et t'encrasse, tu nous. Elle te viole, tu nous, et te casse, tu nous. Elle est perfide, tu nous. Madame est noire d'un sang rouge aride. La dame me pique la carotide. C'est très flou de plasma avalé. Aura dislocage au cœur débondé. Je suis le 7, j'ai pas la main. Elle a tous les atouts, je n'ai rien que mon innocence à revendre contre le rachat d'un cassin. Elle course des personnes en tout. Il n'y a pas de recours, c'est la rue. Autour les esprits à la cour de ses cerfs de retour, c'est la rue. Elle est menée pour les bons et les crédules. Elle a vie à l'envie des cons et des crapules. Elle éclabousse, calomnie, souillée, diffame, zigzag, tang et des piggy rap. Elle crie sur le corps, elle s'immisce, la manipulatrice, c'est la rue. Elle crie sur le toit, l'encoulisse, il ratisse sa valise, c'est la rue. La putride inonde l'avenue, morve dans les allées, crache au porche des rues, puis prend les escaliers. La boue noire de ses bottes ébruite tous les couloirs, pousse la porte ouverte du paillasson blafard qui n'en reviendra pas. Ses traces indélébiles ne s'effaceront pas comme la cicatrice qui balafre mon bras. Elle est reine de ses victimes, mais elle ne mourra pas. Elle peut pourtant blesser, rendre fou, suicider chacun d'entre nous sous ses coups répétés. Mais non, elle ne mourra jamais. Je lui tordrai le cou sans jamais l'arrêter. Elle voudra me poursuivre, mais je ne la fuirai pas. Mais pour la ridiculiser, je lui tendrai les bras. Son cimetière s'emplit de pauvres gars honnêtes, de filles immaculées qu'elle a salées sur nos fenêtres. La rumeur est la mère de nos atrocités. N'écoutez pas son chant funeste, ses cris celles empourprées. Elle course des personnes en tout, il n'y a pas de repos car c'est la rue. Autour des esprits à la cour de ses cerfs de retour, c'est la rue. Elle est menée pour les bons et les crédules. Elle a vie à l'envie des cons et des crapules. Elle est clabousse, calomnie, souillée, diffame, zigzag, tang et des piggy rap. Elle crie sur le corps, elle s'immisce, la manipulatrice, c'est la rue. Elle crie sur le toit, l'encoulisse, il ratisse sa valise, c'est la rue. Si un doux matin vient vous secouer, il pleuvra sur votre emblème des larmes acérées. Et là, vous la connaîtrez nue. Mais il sera trop tard, car jusqu'alors vous l'avez crue sans la buée du regard.